étudiants et diplômés de l'UQAM, un service de conseiller en entreprise et de nombreuses activités sont offertes pour guider les entrepreneurs. Le concours Mon Entreprise offre également 15 000 $ en bourse pour le démarrage d'un projet d'affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.entrepreneuriat.uqam.ca. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 3e édition du Gala des Silidors, les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde. Le 30 avril prochain, au Colanoté, à partir de 20h30, c'est le public qui vote et qui déterminera les trois gagnants des Silidors d'argent et de bronze. L'admission est gratuite. Venez nombreux appuyer vos artistes coup de cœur. Pour plus d'informations, consultez le www.festivalnuitdafrique.com ou composez le 514-499-9-92-39. Les Silidors, le prix qui fait grandir le monde. Alors, bonsoir, en manchette ce soir, on parle du fait que sérieusement, on est tellement hâte, là. Ça, on a gagné, là, le prix pour la meilleure émission de variété. Sérieusement, je pensais tout ce temps-là qu'on était comme au même niveau que toutes les autres émissions de variété de loser qu'il y a à Choc FM, mais vraiment, je me rends compte aujourd'hui qu'on est vraiment meilleur et on a une plaque pour le prouver. 70%! Quand la cloche sonne, c'est qui donne son 70%? Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement fait fort, du bon bon bon fort, chaton et doutons encore. Oh, oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant, pas de bêtises, pas de Jésus, les douteux doutent nu. Tout nu. Quand la cloche sonne, un bon tout te donne. Est-ce qu'on s'est endormi depuis? Qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit? Vive la vie. Vive le vent douteux à 70%. Grosse musique d'agent sacré, c'est Metal Gear Solid, la trame sonore en background aujourd'hui. Le studio est plein, Étienne Forêt et son attitude. Toujours là, qui prend toute la place d'un côté de table. Et voilà. on a la troupe de théâtre Crème Brûlée qui est l'idée de main de maître par Marie-Ève, j'ai oublié ton nom de famille. Qui n'a pas de micro. Girard, je pense. Marielle Girard, c'est pas moi. Non, c'était plutôt la voix de Vincent Lemaitre-Vierge. Bon qui... après-midi, bonsoir. Et voilà, flanqué à la droite par Maude. Bonjour, bonsoir. Qui est elle-même flanquée à la droite par Jessica. Oui, c'est vrai. Notre ailière droite principale. Et puis, ben, Israël qui est debout et motivé. Pacté noir. Et voilà. Et puis, ben, Bruno, qui nous a tenu au courant des dernières nouvelles importantes de l'actualité. On va tout de suite se lancer dans une chanson. C'est les Belvédères, le band de Vincent Lemaitre-Vierge. C'est bien, c'est ça, oui. C'est ça, exactement. Voilà, on écoute « Sans penser à demain ». Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la chanson avant qu'on y aille? Ben oui, certain. Ça me fait plaisir de présenter cette chanson-là. C'est une chanson qui représente bien l'identité de notre groupe. C'est une composition originale que vous aurez l'occasion d'entendre. Ça va être la première chanson qu'on va jouer le soir du lancement, qui est le 30 avril prochain. Et c'est jeudi là, Club Soda! Oui, c'est ça, exactement. Club Soda, oui, exactement. Et Club voilà. Soda! Donc, on se lance dans « Sans penser à demain », puis Les Belvédères, le band de Vincent Lemaitre-Vierge, on va en reparler un petit peu juste après. Ça va être soir, là, Israël. Je réalise mes prières. ma vie. Ici Stéphane Bureau, qui a certainement l'ambition un jour de pouvoir incarner le rôle de Jared dans RoboFlick 2. Vous êtes à l'écoute de 70% avec les guélurons de l'information. C'est nous autres, ça! Non, on n'est pas juste les guélurons, on est les meilleurs de l'information. Les meilleurs guélurons. Et pour le meilleur de l'information... Bruno Corbin. Merci d'avoir fini la phrase, j'aime pas ça. Ça faisait prétentieux. Ouais, alors que des manifestants anti-gouvernement envahissaient les rues de Bangkok la semaine dernière, des hommes ont détourné un camion-citerne et l'ont stationné dans un quartier résidentiel, croyant que l'armée n'oserait pas tirer près d'une source d'essence si abondante. C'est alors que Batman est apparu et a analysé la scène. Le chevalier noir a réussi à baisser la tension assez longtemps pour que les employés de la ville reprennent le contrôle du camion et réussissent à se sauver sous les applaudissements des habitants du quartier. Batman a ensuite accepté de parler aux médias et le reporter a même fait remarquer au super-héros qu'il était un peu gros, comme quoi les choses changent. Ben oui, ben tout le monde vieillit. Batman, dans mon temps, il parlait pas là, aux journalistes. Non, c'est ça. Surtout à Bangkok. C'est... Batman à Bangkok. Gotham City. Là, depuis que c'est marié, il est en Grèce. Ah ben merci beaucoup, Bruno. On a entendu juste avant, c'était sans penser à demain. C'est bien ça, oui. Et puis, ben toi, Maud, t'étais la chanteuresse? Mais non, je n'étais pas la chanteuse. On est deux chanteuses dans le groupe. En fait, on est quatre chanteurs principaux dans le groupe Les Belvédères, donc okay. Deux chanteuses. Okay. Et c'est Sophie Dupuis qui interprétait la chanson « Sans penser à demain », mais c'est moi qui c'est l'ai ça. Écrite, par C'est contre. Maud qui a écrit les paroles de cette chanson-là. Puis moi non plus, j'ai pas fait beaucoup de choses dans cette chanson-là, mais j'ai plutôt été au niveau de la réalisation. Mais je fais des bacs aussi, puis on est une équipe dans ce groupe-là. Puis des fois, c'est Sophie, d'autres fois, c'est Maud, d'autres fois, c'est moi qui chante, il y a d'autres fois, c'est mon guitariste Éric Bonnette qui chante aussi. Okay. À quatre chanteurs, on s'échange ça. Parce que vous êtes sept, là. Oui, mais c'est gang. Ouais. C'est un collectif. Une famille. Ouais, qu'est-ce que, jusqu'à maintenant, on tient bon, on réussit à faire un collectif. puis les bandes de sept, il n'y en a pas tant que ça qui vivent de ce temps-ci. Fait que je suis bien fier de ma gang. Bon, ben voilà, c'est important d'accepter de devenir satellite positif quand on a une espèce de machine à sept personnes motivées comme ça. C'est quoi ça? C'est votre premier album? Lancé le 30 prochain au Club oui, Soda. C'est le premier album des Belvédères. En fait, ça fait 4 ans que le groupe existe. Ça fait 5 ans que Vincent et moi, on travaille ensemble, mais que vraiment, les 7 ensemble, la famille, ça fait 4 ans. Okay. Puis, il y a environ un an et demi, on a dit, là, je pense que c'est vraiment le temps qu'on se concentre sur l'album, un projet comme celui-ci. C'est comme ça que tout est arrivé, tout s'est mis en place. Et là, on était dû pour faire un album, puis là, ben le voilà, il sort enfin après tant d'attentes et on est bien fiers de pouvoir faire ça. Puis le 30 avril, c'est pas juste un lancement, mais c'est un show aussi qu'on va faire. Ok. Ça fait qu'on a quand même réussi à vendre 600 billets au Club Soda. Il reste un peu de place aussi, mais on est content de pouvoir offrir un spectacle, pas juste un lancement, parce que des fois les lancements, c'est pas toujours la même énergie. énergie. Ça sent la broue fort, des fois. Ouais, c'est ça. Tandis que là, ben, on va toutes faire les chansons de l'album, plus plein de chansons qu'on fait en show, des tunes connues que tout le monde aime danser. Et puis, ça va nous donner l'occasion de faire découvrir nos compositions, puis en même temps de faire triper le monde sur des bonnes chansons. Parce que vous faites beaucoup de covers aussi sur l'album. Sur l'album, en fait, c'est 5 compositions pardon, et 7 reprises. Okay. Parce que l'album était vraiment l'énergie qu'on donne en spectacle, on voulait le mettre sur l'album. Okay. Donc, en mixant les deux comme ça, on s'est dit, bon, on a notre identité. Puis sur les reprises qu'on fait, on a mis la touche Belvédère aussi. D'ailleurs, je pense qu'on va faire jouer Marcia Baila plus tard. Vous allez avoir la chance d'entendre Maud à ce moment. Mais c'est vraiment à la couleur Belvédère qui rock, dans le fond, mais... Avec des petits bouts, comme la chanson que vous avez entendue, une petite tendance progressive. D'autres fois, c'est plus tendance pop. Et puis, on se tient là-dedans, mais on se rassemble dans le rock. Pourquoi s'appeler les Belvédères? Bonne question. C'est arrivé comme ça. C'était une niaiserie. C'est le nom qui est venu à nous. Et on n'a même pas trouvé. C'est lui qui nous a trouvé. On niaisait, puis ça a comme resté accroché. Et les gens, ça les accrochait aussi. C'est notre bassiste qui niaisait en montant à Montmagny. Je l'ai connu un samedi soir. C'est le Belvédère. Ça a fait une toune. Puis là, finalement, on s'est appelé les Belvédères par la force des choses. Parce que c'est ça, l'animateur là-bas nous a demandé, avez-vous un nom de groupe? Non, c'était la première gig qu'on faisait ensemble. On dit, les Belvédères. Puis finalement, on n'a pas eu le choix. On a gardé ça. Ben, vous êtes chanceux, les Belvédères, parce que usuellement, juste après la première chanson qu'on fait jouer là, le premier kit de nouvelles, on s'en va voir DJ Georges alias Étienne Forêt. Je me compte tellement chanceux. Et par contraste, à chaque fois, les tunes de nos invités sont encore meilleures. Oui, c'est ça. C'est ça mon rôle ici. Dans c'est gentil, merci. Et donc, Monsieur Forêt. Oui, d'abord, une courte pause. Après la pause, DJ Georges traverse l'enfer de la drogue à 70%. Vous avez joué comme des pros, je suis bien content de vous, les gars. Et les filles! Et regardez, maman aussi est fière. Venez, Monsieur Bottier, on va aller chercher du poulet frit Kentucky pour tes petits de famille. Moi, je donne les 3 étoiles à ta mère. Et moi, à la recette secrète du colonel. Ça, c'est du bon poulet. Ça, c'est du bon poulet! Le jeudi 7 octobre seulement. Ah, le poulet est bon, le juste. Il manque un petit bout. C'était 50 sous de rabais sur le casse-croûte du colonel ce jeudi 7 octobre seulement. Dépêchez-vous, une journée pour sauver 50 cents. Bon, alors aujourd'hui, comme il y a beaucoup de monde, je vais essayer de faire ça quand même rapidement. Au lieu de vous faire jouer plein de chansons au long, j'ai été récupérer des petits très courts extraits de tunes poches, surtout des phrases qui m'achalaient dans ces chansons-là. Donc des fois, il y a une phrase dans la tune qui n'a pas d'allure, puis moi, c'est ça que je voudrais mettre en relief aujourd'hui. Donc, je commence par la chanson « Et des baisers » de France Gall. France Gall qui nous décrit ici tout ce qu'elle va avoir avec son amoureux lorsqu'ils vont enfin vivre ensemble. Puis, à un moment donné, elle nous dit ça. Nous aurons une barrière fermée à tous les méchants. Nous aurons une rivière pour baigner les fleurs des champs et des baisers. Blablabla. Bla, bla. Donc, nous aurons une rivière pour baigner les fleurs des champs. C'est quoi ça, ce couple-là de malades? Eux autres, quand ils n'ont rien à faire, ils arrachent les fleurs des champs puis ils vont leur faire prendre un petit swim dans la rivière. Mais où est la société protectrice des végétaux quand on en a besoin? Sinon, il y a aussi Jean Coutu, pas la pharmacie, mais le père d'Angèle Coutu, qui a déjà fait le Desiderata. Ceux qui sont déjà venus au douteux reconnaîtront peut-être le texte que George Whelan disait dans le spécial de Noël de Michel Louvain quand il parlait avec des elfes. En tout cas, ceux qui n'ont pas vu, doivent beaucoup se demander de quoi je parle. Donc, Jean Coutu nous donne des conseils de vie ici, puis nous dit ça. Fuis l'homme à la voix haute et autoritaire. Il pèche contre l'esprit. C'est des conseils de vie. Ne te compare pas aux autres par crainte de devenir vain ou amer, car toujours tu trouveras meilleur ou pire que toi. Bon, moi, ça, c'est pas vrai. C'est le mémorandum de Dieu, ça. Oui, exactement. Tu reconnais, il y a de la culture en studio aujourd'hui. Ça fait changement de la gang de d'habitude. Non, c'est des blagues. On est les meilleurs. Donc, on a une plaque. Donc, Jean Coutu nous dit, compare-toi pas aux autres parce que tu trouveras toujours meilleur et pire que toi. C'est pas vrai, ça. Il y a une personne, en quelque part dans le monde, qui est la pire personne, puis elle trouve pas de pire. Puis même chose pour le meilleur. Je pense que c'est une exception qui aurait dû être soulevée dans la chanson. Par Jean. Ben oui, franchement, là, il s'adresse comme à tout le monde, sauf à ces deux-là. Ah, écoutez pas ce bout-là. Sinon, on a Julie Darèche qui nous chante Les Cowboys du Québec. Québec. Puis ici, ce qu'elle se plaint, que les Cowboys du Québec, c'est pas facile pour eux autres, les Cowboys étant les chanteurs country, parce que le monde rit d'eux autres, puis on les prend pas au sérieux, ils ont pas de crédibilité comme ceux des États-Unis que tout le monde aime regarder ici. Voir. J'aurais dû partir ça pendant que je parlais. Intro. Fait que vous reconnaissez la tune country joyeuse, hein? Oui, deux tunes country. Ouais. Voilà, j'aurais dû partir plus tard, mais bon, vous avez eu l'intro. Ça nous rend joyeux. Fait que vous voyez, elle se plaint ici, une joke par-ci, par-là, c'est pas comme aux États. Fait que là, elle essaie de se donner de la crédibilité, là. La vie est dure pour les cowboys du Québec. Puis elle finit avec... Swing avec elle, dans le fond, la voix d'amour. Ben voilà, voilà. Hein, ça va t'aider, ça, Julie. Ça te ramène toute une crédibilité. Et voilà. C'est sûr que je ça donne beaucoup aux cowboys. Je sais pas pourquoi il y a des jokes par-ci, par-là, au Québec, hein, franchement. Sinon, il y a Ginette Renaud qui nous... Je vais vite aujourd'hui, hein. Ginette Renaud qui chantait, à un moment donné, du bleu, du bleu. Fait que elle voulait qu'il y ait du bleu, plus de bleu. Oh! Dans la vie. Fait que ça part un peu tropical de même avec un sifflet, puis on s'imagine des oranges qui dansent dans une annonce d'Oasis. Des oranges bleues? Des oranges bleues. Ouais, c'est fort. Et puisqu'il faut chanter toujours, moi j'ai choisi de chanter l'amour. Dieu des églises, des cathédrales, c'est son choix. C'est son choix. Quand on a mal, et là, c'est là qu'elle dit. Du bleu plein les yeux, du bleu pour les amoureux, du bleu. Ça doit être la mer. C'est quoi ça? Pourquoi il faudrait plus de bleu, je veux dire? Puis parce du bleu, que bleu, c'est la couleur du belvédère. Bleu belvédère. Mais moi, personnellement, si je trouve du bleu dans mes ananas, je les mange pas, c'est tout. C'est vrai que... Ah, mais elle parlait du fromage. C'est juste pour ça. C'est tout du fromage bleu, bleu partout. Allez, donc, vas-y pour une petite dernière après ça. M'en mettre une pause, moi. C'est bon. Fait que ici, on a Jacques Boulanger. Jacques Boulanger, qui a déjà animé l'émission Allô Boubou dans le bon vieux temps. Et de 35 heures aussi. Oui, ah oui. Hey, c'est fou la culture, ça. C'est incroyable. Voyons. C'est la vieillesse. C'est ça, c'est juste qu'il est aussi vieux que moi, enfin, la j'en sagesse. Ai. Donc, il a aussi chanté à un moment donné, puis il nous interprète ici Ding à Ling. Je vais aimer ça. Ah oui, c'est un bon fort. J'aime déjà ça. Quand j'étais jeune, ma mère m'avait dit: mon petit boubou, tu seras dans la vie. Bon, fait que là, sa mère, là, la famille Boulanger, tout le monde s'appelle Boulanger, puis là, lui. Elle l'appelait, sa mère l'appelait mon petit boubou. Boubou. C'est quoi ce surnom-là par rapport que tu donnes rien qu'à celle-là? C'est du favoritisme, c'est pas tout des petits boubous, tout ça, c'est, il me semble. Peut-être que lui... c'était le dernier, il était plus petit que les autres. Ouais, mais là, pourquoi, il y avait peut-être mon moyen boubou, mon grand boubou. C'est ça, c'est mon petit boubou. Moyen le grand boubou, le vieux boubou. Le grand boubou. Moi, je trouve que c'est boubou. Pas du tout crédible. Puis le dernier au bout, ben, c'est de boubou. Le boubou du bout. Non, non, c'est l'opinion de Forêt. Lui-même est père, fait que... Moi, j'appellerais jamais tous mes enfants mon petit fofo, tu sais, ça marche pas, cette affaire-là. C'est sûr que c'est pas vrai, puis qu'il nous cite pas sa mère pour de vrai. Moi, je suis révolté. Merci beaucoup, Étienne Forêt. On va y revenir, c'est sûr, à Forêtland, l'endroit où les décibels sont honnis. Et puis, ben là, on va mettre une peau, une pub, en fait, que tout le monde connaît. Ça va être fabuleux. D'accord. Musique mystique présente Red Heart. J'ai failli faire jouer ça. Succès brûlant de Red Heart. C'est presque une toune tellement qu'on les connaît par cœur. Je l'ai tellement entendu souvent. On va mettre le feu au haut-parleur. I'm missing you at all. C'est les vraies années 80. Parlez un petit peu du film pendant qu'on a ça en background. Tiens, Jessica, tu es bord d'avoir des émotions. Qu'elle est touchée. Mais je suis très faciale aujourd'hui. Hein. Je parle pas beaucoup, mais ça réagit. Trop de bonheur. Ça réagit. Tu te deviens un conduit entre les énergies douteux positives. Douteux sera bientôt sur le web. On va On va s'installer une caméra. Ça va en prendre une. Donc, ce soir, c'est Never Say Die. Je suis vraiment content de vous présenter ça. Le droit de tuer en français. Le film commence à 0 minute, 0 seconde. Explosion, ralenti. Vietnam, mitraillette, gambédène pour rien. Feu, fuite éperdue. Drôle de début pour un film. Ils ont tout mis dans le début. Billy Drago, Frank Zagarino. Drôle de star pour un film. Ce que ça veut dire, c'est que l'on va devoir se débrouiller avec ça pour 90 minutes. C'est les racines de l'arbre que l'on va regarder s'épanouir. Avant de continuer de creuser, je note le fait que « never say die » se traduit en français tel que tel « ne jamais dire meurt ». Ce qui se veut pas mal le contraire d'avoir le droit de tuer. À moins qu'ils veulent dire que l'un des antagonistes du film a le droit de tuer, mais ne l'utilise jamais. Ou il dit pas. Et je vois très mal duquel ça peut être. Donc, on est à 1 minute 30 du film. On a vu du Vietnam en train d'exploser à ralenti. On sait qu'il y a Billy Drago et Frank Zagarino. Et que le titre se contredit un coup traduit. Je sais pas ce que vous faites encore là, mais bon, on va vivre avec ça. On va écouter la première séquence d'extrait ici. Le héros s'appelle Blake. On va entendre que le héros s'appelle Blake. Blake qui était autrefois au Vietnam, mais qui est revenu plus fort que jamais, le meilleur des meilleurs. Ajuste le cap d'accélérateur et assure-toi que la bougie est bien remise. Vous entendez effectivement un demi-lune en background. Ça y est. Excellent, Shane. Bon travail. Blake! Nom d'une pipe, Blake! Bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour tomber sur un type comme toi, hein? T'es le mec le plus fainéant que je connaisse. Je te rappelle que t'es censé travailler sur mon bateau. À quoi bon te mettre en colère, hein? Hey, Shane, alors où est-ce que tu en es? Un coup de tournevis et il va danser le rock'n'roll. Comment? T'as laissé ce môme bricoler mon bateau? Mais il m'a coûté $5,000, bordel! Sors de là, petit! Laisse-le tranquille! Hey, merde! La prise du monde. Oh! Hey, wow, Blake! Un conseil. Ne remets jamais la main sur ce gosse. T'es cinglé! Blake. Pas besoin de la DPJ. Allez, Blake. On marche. Non. Qu'est-ce que tu fais? J'aime pas qu'on on va vérifier s'il fonctionne. Oh. Et Blake, je suis pas assuré. Blake! Blake! Blake! Blake. Allez, on y va. Ça sent la fuite et il s'enfuit. Un petit dernier. Merci beaucoup. Donc, on a appris le nom du héros, le héros qui était Frank Zagarino, joué par Frank Zagarino, là, toujours très imberbe et toujours presque en bédaine tout le temps pour rien. Non, on va aller à 7 minutes 55. On a appris c'était qui le héros. On va apprendre qui est le méchant. Musique dark. Hein? Là, c'est pas le héros qui s'en vient. Au commencement, nous n'avions pas le choix. Nos destinées étaient dictées par notre environnement pollué. Dans un monde corrompu, nous n'avions pas d'endroit où aller. Personne n'a qui faire confiance. Nous étions venus au monde nus, seuls, incapables de nous défendre. Nous avons été abusés et abandonnés. Nous avons souffert. Nous souffrions dans la recherche de notre bien-être, de la paix, avec le désir d'être aimé. Billy Drago et son acting. L'univers semblait un chaos, sans discipline, sans aucun ordre. Et ceux qui essayaient de découvrir son secret étaient exterminés dans les feux de l'enfer. T'attends. Vous n'étiez pas impliqué à Waco par hasard, Monsieur Roper. Et voici le FBI qui parle du méchant. Je me suis mis à la place de ceux qui étaient. D'après mes sources, le révérend James était l'un de vos hommes. Est-ce vrai, général? Si vous entendez par là que James était dans les forces spéciales, alors je vous le confirme. Oh! J'aimerais consulter son dossier. Ah, c'est vrai! Pas de fichier dans les forces spéciales. Pas de alors, fichier. Quelque chose qui puisse me renseigner. Ils font jamais de bac. Hein. Oh, on va peser pause là, on va y revenir plus tard. Petite phase de transition, Edgar Winter Group, Frankenstein. On vient, on va parler avec Crème Brûlée, c'est la troupe de comédie musicale, bien sûr. Vous êtes à 70%. La meilleure émission de variété de Choc FM ever. Moi, je pense qu'on a gagné le prix à cause de notre humilité. Vraiment. C'est clair. Ouais. Ça se voit tout de suite. Ah, voilà. Alors, nous sommes de retour pour des nouvelles de plus. Valérik Kashkin, un clown du cirque de Moscou, s'est fait interdire de porter ses gros souliers de clown pour faire son travail de clown. Le clown est tombé pendant un numéro de funambule et a brisé son gros orteil. Le médecin du clown a affirmé au clown que ses souliers de clown étaient la cause. Le patron du clown a alors dit au clown qu'il devrait faire son numéro pieds nus à partir de maintenant. J'ai juste choisi cette nouvelle-là parce que j'aime ça dire clown. Alors, on continue. Alors, il y a des fonctionnaires au Massachusetts qui ont dû avouer une erreur embarrassante sur les panneaux indiquant la route vers un de leurs lieux touristiques. Environ 25 variantes de l'épellation du lac Chargogagogman-Chaugagogjaubunagungamaug ont été compilés par le Worcester Telegram and Gazette depuis le début du scandale en 2003. Le scandale? Ouais. Oui. C'est le Worcester le lac Chargogagogman-Chaugagogjaubunagungamaug est reconnu comme étant l'endroit ayant le plus long nom aux États-Unis. Tu sais, le record que personne veut battre. Ça veut dire quoi, ça, mettons, en français traduit? Petit lac. Je pense que c'est ça. Petit lac au grand nom. C'est con. Ah ben, c'était Maud et bien sûr Vincent à la Métivierge. Merci beaucoup d'être passé. On va écouter Marcia Bella. Merci. Pis, merci beaucoup à vous. Si vous avez des informations, il devrait rester des billets pour le Club Soda pour venir nous voir en show. Vous avez juste à aller sur lesbelvedere.com. Tous les liens sont là. Lesbelvedere.com. Tout simplement, ben, venez en grand nombre puis vous allez pouvoir vous procurer l'album avant tout le monde. Jeudi le 30 avril au Club Soda. À 2 points de rue. Ça peut pas être plus jeudi prochain que ça. Juste là, là. J'aimerais ça qu'il nous fasse un indicatif. Ben oui. On est prêts. Go. 1, 2, 3, go. Ici Vincent Le Métivierge. Et Maud Cicciarello. Du groupe Les Belvédères. Vous écoutez 70%. La meilleure émission! Ah, oh, ben, c'est nous autres, ça. Ben, merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci à vous. C'était fabuleux. Là, on va écouter ici la chanson des Crèmes Brûlées. En fait, c'est Martin qui me l'a envoyé. Peut-être qu'on peut envoyer un micro à Martin seulement pour qu'il nous parle de sa chanson. Merci, Vincent, beaucoup. Il y a une espèce de poteau de micro, là, mais c'est juste pour faire baver. All right. Donc, parle-nous, Martin, de la chanson qu'on va écouter là. Écoute, c'est Your Song, une reprise de Elton John. Donc, Your Song qui chante la pomme. C'est le jeune poète, qui chante la pomme à la courtisane. Donc, Your Song. Et puis là, moi, je pars une affaire, une track instrumentale. Tu vas nous chanter ça live par-dessus. Live par-dessus, puis c'est la numéro 2 sur CD. Excellent. My gift is my soul, and this one's for you. And you can tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in a word how wonderful life is now you're in the world. I sat on the roof and I kicked off the moss. Well, some of these verses, well, they got me quite cross. But the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you, Dad. Keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. And anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes that I've ever seen. Yes, can tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Aïe, avec des émotions, pis tout, bravo! C'est valide! J'ai failli avoir une émotion, moi. Ça m'arrive pas souvent. Bon, bon, bon. Donc, rapprochez-vous, trouvez-vous un micro. Important, c'est la... Donc, Marie-Ève Girard. Oui, exactement, c'est moi. Parle-nous de votre aventure, faire du théâtre au Québec, faire de la comédie musicale au exactement. Québec. Exactement, c'est la comédie musicale. C'était un projet que j'ai monté avec Isabelle de Sèvres, qui est à côté de moi. Voilà. Bonjour. Alors, moi puis Isabelle, dans le fond, on a décidé de faire... de partir une troupe de comédie musicale, chose qui n'existe pas vraiment beaucoup au Québec, à Montréal, au niveau semi-pro, amateur. Donc, on a parti ce projet-là. Oui, mais plus pour encourager les jeunes de la relève, dans le fond, les jeunes talents. Puis on a 17 artistes sur scène, autant des chanteurs, danseurs, comédiens. Puis donc, ça fait un joyeux mélange avec beaucoup de talent. C'est de 18 à 30 ans aussi, donc c'est des gens qui se tiennent dans cette branche d'âge-là. Un petit peu comme les Belvédères juste avant, vous devez avoir pas mal de consensus à établir à 17-18. Exactement, ouais. Est-ce qu'il y a des têtes dirigeantes, quelqu'un qui a le veto, disons, pour les costumes, ces choses-là, chacun s'occupe d'une affaire en particulier? C'est Isabelle et moi, on est dans le fond... Ben, c'est ça, on travaille ensemble. Donc moi, je m'occupe du volet danse, Marie-Ève du volet théâtre. Puis toutes les décisions, dans le fond, par rapport à la direction artistique du spectacle, ben c'est nous deux qui les ont pris. Oh, ouais. Et voilà, on a les bons ici. C'est où vous avez trouvé Martin, ça chante, ça? Dans le fond, on a fait des affiches. On a parti notre troupe et puis on s'est dit, bon, on va faire tous les médias disponibles, on va essayer d'aller recruter des gens. Fait que c'est moi qui les a trouvés, en gros. Ah, bon. Exactement. Voilà. Voilà. Puis vos sources de financement, curieusement, oh comme ça. Oh my gosh, ça, c'est... Bon, alors, on a des commanditaires. Ouais. On a cherché beaucoup, mais... On s'est forcé. C'est ouais. Ça. Donc, on a produit nous-mêmes le spectacle. Ouais, bon job. Ouais, c'est ça. Donc, on a fait... dans le fond, on a fait des demandes de commandites. Là, on a cogné aux portes. Puis avec tout le monde. Tout le monde est vraiment motivé dans la troupe aussi. Ah, ouais. On a vraiment une grosse synergie, là, au niveau des 17 artistes qui sont avec nous. Puis ils se sont tous mis genre, en commun accord pour chercher vraiment les commanditaires pour que justement notre projet fonctionne, qui est un projet qu'on dit que tout le monde est dedans, dans le fond. Ouais, dans ben c'est voilà. Un rêve. Et voilà. Donc, on a Martin, Marie-Ève, Isabelle et Pierre à côté. Oui, salut. Ben, Pierre, toi, c'est quoi tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Très bonne question. Je débarque tout jeune de France. J'habite là depuis 2 ans. Mais j'ai trouvé la troupe Crème Brûlée en fait sur Google, tout simplement, en cherchant comédie musicale. Ah ben. On voit la troupe Crème Brûlée, genre vraiment en premier lien sur Google. Donc, allez faire un tour et puis pour la prochaine année, venez nous rejoindre. Puis tu fais le Duc, Pierre, aussi. Et je fais le Duc à l'origine. Le méchant. Je fais le méchant. The Evil One. Et voilà. J'ai une tête gentille, là, vous me voyez pas, mais. Non, moi je t'aurais donné le rôle du méchant. Je prends ça pour un compliment. Juste parce qu'il est français. Donc, c'est juste ça. Stéphanie Balthazar qui est venue nous rejoindre. Est-ce que tu as une petite chronique de préparer? Tu nous parles de quelque chose? Ah, moi, je vous dis quoi faire pendant les 3 semaines que nous, on n'est pas là. Bon, ben, déglutis ça vite. Après ça, ça va être Étienne Forêt au pays des tympans qui ne devraient pas exister. Mais parfait. Alors, qu'est-ce que vous comptiez faire pendant les 3 prochaines semaines? J'avais rien prévu, là. Je me fiais sur toi, man. C'est ça. Oui. Bon, alors, moi, je vous invite à faire un chin-do-gu, hein? Ouais. Ouais, vous savez ce que c'est? Ben, ouais, tout le monde fait ça continuellement. Ben, moi, j'en fais ça. Comme du crystal meth, ça? Ouais. Ou des sudoku avec une autre, non? Ah, ok, c'est ce qu'on voulait. Bon, alors, dans l'esprit 70%, le chindogu est l'art japonais d'inventer des gadgets utiles mais inutilisables. Donc, déjà là, je vous mets au défi. D'ici 3 semaines, j'aimerais vous voir avec un chindogu. Alors, l'idée de base, c'était de répondre à un problème quotidien de la vie moderne d'une façon qui se révèle à être plus compliquée ou plus ridicule que d'avoir le problème à la base. Genre, il pleut, tu t'en vas avec ton parapluie. Évidemment, tes souliers vont être mouillés parce que tout le monde ne sait qu'un parapluie protège jamais les souliers. Alors, t'inventes des parapluies pour chacun de tes souliers. Ooh, mais t'as l'air plus ridicule avec ça que si t'as les pieds mouillés parce que là, c'est juste ton problème. Tu peux plus faire des grands pas. Ben oui, aussi, aussi. Ça peut ou régler le problème de clown. Ouais, c'est ça, c'est un clown qui a des grands souliers. C'est ça, ça doit être une histoire de clown encore. Donc, l'inventeur, grosso modo, c'est Monsieur Kenji Kawakami. Puis, un ingénieur qui a décidé dans les années 80 de promouvoir des produits sans utilité commerciale ou utile pour dénoncer la surconsommation ou l'utilitarisme. Alors, les 10 principes on aime toujours ça. Alors, les 10 principes de base, vite, vite. Un chindogu, premièrement, un chindogu ne doit pas être conçu pour un véritable usage. Le chindogu doit exister. Le chindogu doit véhiculer une idée d'anarchie. Hein? C'est quelque chose. OK, fait carrément. Carrément, oui, oui. Quatrième point, conçu pour la vie quotidienne. Cinquième point, ne pas être vendu. On y tient. Okay. Sixièmement, l'humour ne doit pas être la seule motivation. C'est le fun d'être drôle. Mais faut quand même qu'il y ait un mini but utile. Oui, il faut. Alors, septième point, pas de la propagande. Huitième point, qui va pas toucher les tabous, qui est pas vulgaire en tant que tel. Il est fatiguant, ton cas. Ouais, je sais. Cette anarchie est extrêmement réglementée, je trouve. Plus qu'il y a d'autres choses qui t'empêchent, mieux tu te portes. Bon. Bref, c'est une façon de parler. Neuvième point, il doit pas être breveté. Dixième point, il doit pas causer de préjudice. Alors, le chin dogu, chin qui veut dire étrange, dogu qui veut dire outil. Moi, je vous conseille d'aller au www.chindogu.com ou encore Wikipédia parce que ça a toujours la réponse à tout. Faites par n'importe qui. Puis, je vais vous donner des exemples de chindogu. Comme ça, si jamais vous avez un flash, ben, vous n'allez pas refaire la même chose. Alors, votre dos vous gratte, hein, puis vous êtes tanné de dire à quelqu'un plus haut, à gauche, à droite. Non, plus haut. Vous pouvez faire un merveilleux t-shirt quadrillé comme un battleship avec les A, B, C, D, E en haut, 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre côté. Tu voudrais-tu gratter F2, s'il te plaît? Ça serait dur de savoir où est-ce que ça nous pique. Ben non, c'est pour ça qu'il faut que tu aies le mini t-shirt dans ta main pour faire comme ça me pique B6. Encore, au lieu d'utiliser un couteau et du beurre, pourquoi pas un pot de bâton à colle, mais avec du beurre dedans, donc un bâton à beurre. Un bâton de beurre? Mais oui, mais comme ça, on ne crotte pas de couteau. On aime ça au bout. Encore une autre, tiens, quand vous mangez vos nouilles ramen, on aime ça quand c'est comme à bonne température, ben ça brûle pas les papilles gustatives. Fait qu'après vos baguettes chinoises, mettez un micro-ventilateur comme ça. Avant de prendre votre bouchée, ça va déjà être un peu refroidi. Oui, vous avez pas à faire... ça souffle dessus tout seul. Ouais. Ou encore, pour les hommes, j'ai pensé à vous, celle-là, l'urine noire robotisée. Alors, vous arrivez devant la toilette, il y a deux bras qui font descendre la zipper. Je fais confiance à ça, moi. Oui, on aime ça. Ou encore, vous voulez passer incognito dans la ville, il y a les chaussures avec les semelles inversées, qui fait que quand vous avancez en avant, vos pas démontrent que vous avez marcher en arrière. Oh, le vieux truc de lundi. Ouais, Dick Tracy aurait aimé ça au bout. Puis, en tout dernier, pour les femmes célibataires, l'oreiller en forme de torse d'homme, avec un bras, évidemment, pour faire un petit cuddle. Puis, tout le monde aime ça. Donc, c'est des exemples de chindogu. Alors, je vous invite www.chindogu.com. De toute façon, on fait juste taper C-H-I-N-D-O-G-U. Puis, on va pouvoir aller dans le merveilleux monde des limitations aux inventions impossibles. Merci beaucoup, Stéphanie Balthazar. Ça fait plaisir. Alors, dans 3 semaines, je vous attends avec des chindogus de qualité. Regarde-moi travailler là-dessus. C'est clair. Merci. C'est notre priorité. J'aime ça, vous aimez ça participer. Puis sinon, ben, on transfère vers. T'es dans ton puits aux souffrances. Oui, je suis encore là. Je te reste au fond. Ben, vas-y. Que je vous attends. J'ai encore d'autres belles phrases qui me gossent dans certaines chansons. Il y en a une ici que j'ai déjà fait jouer un peu. C'était Eduardo qui chante les frites de Bruxelles. Ouais. Bonjour, c'est Eduardo. Je vais vous chanter ma nouvelle chanson. Les frites de Bruxelles. Elle est déjà numéro 1 en Belgique. Donc, elle est déjà numéro 1 au moment qu'il enregistre la toune. Ça m'énerve un peu. C'est soit ça ou soit qu'il en a fait une deuxième version juste pour redire qu'il était numéro 1. Ouais. Dans le genre référence circulaire, il y a aussi Normand Lamour dans sa chanson « Il était le plus » qui nous parle de quelqu'un qui venait voir son œuvre. Il m'a demandé de lui montrer l'une de mes compositions. je lui ai montré celle-là. Comment ça, bâtard? J'ai montré celle-là. T'avais déjà fait une composition sur le fait qu'il te demanderait de te montrer la composition puis que tu lui montrais celle-là. Ça marche pas, ça, c'est une référence circulaire puis ça compile jamais. Ça mélange mon cerveau. Il n'y a plus rien qui marche. Moi, j'étais un peu déçu, là, normal là-dessus. Parce que d'habitude, c'est extrêmement cohérent et logique. Sinon, il y a René Claude dans Ce soir, je fais l'amour avec toi, où elle dit à son mari que tous les préparatifs qu'elle a faits pour qu'il y ait une super soirée de baise. Puis donc, entre autres, elle se met une vieille robe démodée pour qu'il puisse la déchirer. Elle éteint le téléphone. Puis aussi, elle nous dit ceci. J'ai mis mon chat chez le voisin d'en haut. Il ne viendra plus de griffer le dos. Je dis bien mieux. Fait que ça, c'est vraiment penser à tout, premièrement. Mais en même temps, moi, je me demandais comment tu demandes ça à ton voisin d'en haut exactement. Tu sais, t'arrives, tu dis, pourrais-tu garder mon chat? Ben, je vais être là, parce que là, le voisin, il va l'entendre. Watch là, ton t'sais. Dos. C'est rien, parce que là, à soir, tu sais, je fourre. Moi, j'aime ça me faire griffer dans le dos. Ouais, ça, c'est toi. Mais là, je parle des autres. Sinon, il y a Paul Vincent. Perdu le contrôle. C'est toujours de même, les femmes. On est un micro, même... deux filles, une émission de radio. On est les meilleurs, malgré ça. Imaginez si on n'avait pas ça. Alors, il y a Paul Vincent dans la chanson « Face à face » qui nous fait un bel exposé. Il parle à sa blonde ici. Belle comme un cœur, toujours à la commune. Là, belle comme un cœur, toujours à l'heure. Quand le deuxième qualificatif, c'est qu'il est ponctuel, OK, il n'aime pas vraiment sa blonde. Après ça, il dit... Ça va, tout ça, là. Il se rattrape. Sans parler du rêve, et ici, là. Tu as les yeux encore plus ronds que deux drones, ou tu as le cœur plus grand que les galeries dont je n'y as... C'est quoi ces qualités de poche-là? T'as les yeux plus ronds que 2,30 sous? T'es ma maîtresse de la tête aux fesses. Ça l'a déjà été dit. En plus? Puis c'est quoi, les jambes? C'est quoi qu'il fait avec ça? Je sais pas. je sais pas, c'est une femme tronc, peut-être? C'est une femme tronc. Ah, let's go, Étienne, une autre. OK, une autre. Ben, regardez, celle-là, ici, là, c'est la chanson, vous la connaissez? Ah ben oui, il traversait tout l'univers. Là, regardez. C'est Nathalie Simard qui chante ça. Et l'affaire qui n'a pas rapport, c'est que cette chanson-là, c'est la première toune du deuxième côté du disque « Joyeux Noël, Nathalie ». Qu'est-ce que c'est ça, bâtard? C'est pas une toune de Noël, ça, c'est Goldorak. Il amène le cadeau de la liberté. Je sais pas, je comprends rien, ça m'énerve. Goldorak, le robot indestructible. De Noël. Le robot indestructible, fait en partie refait. En pièces détachées. Prof Procion, il l'a tout racheté à court à scrap. Sinon, ici, il y a Christine Charbonneau qui dit on était ni riche ni pauvre. On avait ce qu'il fallait, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est vraiment plate, chanson-là. Ouais. Hein? On habitait un petit logement. Oh. Rue Berry. Ok, le bon bout de celle-là. On marchait 2000 pour l'école. Qu'est-ce que c'est ça, marcher 2000 pour l'école quand t'as un logement rue Berry, bâtard? Où c'est qu'elle allait à l'école, exactement, puis il n'y en avait pas d'autobus dans son temps? Je suis révolté. Voilà, c'est tout. Et voilà. Merci beaucoup, Étienne Forêt. On va écouter ici un petit clip que j'ai fait jadis. Ça parle de Blake, qui est le héros du film, et puis il va se faire parler par le révérend James. Ah oui. Jessica, tu vas te charger pendant ce temps-là. On va revenir avec ta chronique. All right. Seul un aigle rouge est capable de tuer un aigle rouge. Pas vrai, Blake? Seul un aigle rouge est capable de tuer un aigle rouge. Pas vrai, Blake? Seul un aigle rouge est capable de tuer un aigle rouge. Seul un aigle rouge est capable de tuer un aigle rouge. Blake, Blake, Blake, Blake, Blake, Blake. Seul un aigle rouge est capable de tuer un aigle rouge. Pas vrai, Blake? Blake, Blake, Blake, Blake, Blake. Donc, le héros s'appelle Blake. Je pense qu'on comme pas mal passé au travers. Jessica? Oui, excuse-moi, j'étais en train de fracasser le mollet de ma conjointe comparse ci-jointe. Montréal Kitsch, c'est de ça que je vous parle aujourd'hui parce que c'est un recueil de 98 lieux hauts en couleur selon Sébastien Diaz. Et lui, il est quelqu'un, hein, fait faut en parler. C'est un journaliste, écoute, name it, check ça. Urbania, l'actualité, Nightlife Magazine, 7 jours, session du Reader's Digest, ça je sais pas si par contre. État critique à Musique Plus, Sucré Salé, Star System, et là, il y a sa photo en quatrième page du quatrième couverture du livre et c'est marqué « Tel que vu à la TV ». Et nous ici et ailleurs, on aime ça, les produits « Tel que vu à la TV ». Donc, vraiment, un recueil d'endroits kitsch, ben c'est ça, ça dit « Haut en couleur à Montréal ». Il y a même du pitbull dans le livre en tant que tel. Et c'est séparé sous les titres « Les incontournables », ou manger, ou boire un verre, ou dormir, ou, ça commence toujours par où, hein, ou faire son shopping, ou se divertir et besoins vitaux. Ça, c'est un peu, je sais pas pourquoi qu'il y a ou besoins vitaux. Avec son autre livre, que toutes les questions, c'est à l'égard de qui? À l'égard de qui dormir? Non, c'est ça. C'est deux livres différents qui nous apprennent des choses différentes pour les personnes qui veulent évoluer. Et là, Sébastien Diaz, il veut vraiment faire une distinction entre le terme kitsch et kitten. Il dit quelque chose de kitsch. Quelque chose de kitsch, c'est un certain objet n'est kitten. Qui n'est kitten, il sombre ensuite dans l'oubli. Et s'il revient, il devient kitsch. S'il dure, il est promu antiquité. Donc là, c'est ça. C'est pas des endroits kitten. Je suis d'accord avec ça. Puis, je veux dire, sinon, je pense pas que les 1 million de bars et de lieux qu'on trouve dans le livre auraient voulu être publicisés sous le terme kitten. Non, c'est vraiment différent. Et moi, ce qui a fait mon bonheur, c'est que vendredi dernier, j'ai eu la chance de visiter un des endroits kitsch. C'était déjà prévu avant même que je m'achète le livre. Fait mini révolte à Sébastien, c'est pas toi qui m'a fait découvrir ça. Non, c'est le Jardin du Ski qui est complètement à Montréal, oui, mais sur la rue Sherbrooke, un peu dans la place de Vieux, tu rentres là, petit pont, haut avec des faux poissons qui passent sous le pont. Moi, j'ai dansé un slow sur ce dit pont-là, chaise en osier, j'avais un drink coconut, le bolo, et c'est vraiment, non, c'est pas un coconut, c'est un ananas, pineapple, puis vraiment, là, t'enlèves le petit cap, tu bois directement, et c'est marqué dans le menu que tu peux repartir avec, si tu veux. Oh! Et oui. Peux-tu repartir avec? Non. Je l'ai mangé sur place, au complet. Okay. Je l'ai tout mis dans ma bouche d'un coup, tu me connais. Ouais. Et là, les samedis soirs, ce qu'il faut préciser, c'est que pour 15,95, il y a une soirée dansante également. Donc, vous mangez, vous bourrez la face, c'est un buffet, hein. Quand on mange du cheap Asian, puis on va se dandiner sur du disco time dance. Ouh. C'est ouais. Ouais, fait que vraiment, moi je suggère ce livre, sinon soyez inventifs, puis cherchez par vous-même sur le net ou sortir. Merci beaucoup Jessica de nous avoir fait découvrir Sébastien Diaz, le gars qui décide ce qu'il faut intéresser. Ce qui est kitsch et ce qui ne l'est pas. Et voilà. C'est lui qui décide. Un jour, faudrait qu'il vienne. Peut-être qu'on pourrait demander comment on peut faire, nous autres aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Hey, Bruno Corbin, veux-tu nous déglutir une de tes... Il t'en reste comment? Il m'en reste deux. Bon, ben, vas-y les deux, puis on va parler à la gang de crème brûlée après. C'est bon. Alors, il y a Danielle Eckert, la mère de Colin Byers, un professeur de 24 ans qui avait été tué d'un coup de poing à la tête durant une dispute. Elle a sorti un bar. Elle se fait harceler par l'ancien propriétaire de l'appartement de son fils pour des frais de départ hâtifs. Comment mon fils aurait pu prévoir qu'il allait mourir, a déclaré Eckert. L'agent de la firme de logement a affirmé qu'il savait que Byers a été tué, mais avait été avisé par leurs représentants légaux de réclamer les frais quand même. Et on reste dans quelque chose. C'est pathétique. c'est pour donner suite à l'expression il est parti bien vite. Ouais, c'est vraiment exactement. C'est il est parti bien vite. Déparatif de la régie de exactement. Fait que dans le fond, il pourrait comme laisser le cadavre dans la maison vu qu'il paye pour. C'est ouais, ça. Exactement. Ça coûte moins cher qu'un terrain au cimetière. Et on continue dans le tragique. Lundi dernier, une nouvelle application pour le iPhone est sortie. Ah, yeah. Le but du Baby Shaker est de supporter les pleurs d'un bébé le plus longtemps possible. Lorsqu'on n'arrive plus à le supporter, on shake le iPhone et le bébé meurt, ce qui fait arrêter de pleurer. Ben voyons donc! L'application a été retirée mercredi par les représentants d'Apple qui ont tenu à s'excuser pour le manque de vigilance de leur part. Là, ils ont toutefois donné les détails. Ils n'ont pas donné de détails concernant le processus qui a mené l'approbation de cette application, mais ils l'ont quand même décrit comme étant de très mauvais goût et profondément offensant. Mais ils laissent quand même sur le marché le Hyperiod, qui est un logiciel où est-ce que tu rentres quelle date féminine que tu dates justement, qui sont menstruées quand. Comme non, ça, tu n'as pas besoin de les appeler pour te faire dire « Ah non, je peux pas ». Le Hyperiod, pour savoir qui est menstrué quand. Ouais, mais ça existait avant, ça s'appelait Microsoft Excel. Oui. Avant, quand j'étais programmeur dans un bureau, j'avais fait une base de données qu'on appelait le Red Alert, puis on mettait les dates de menstruation des filles du bureau. Nous autres, c'était plus pas pour parce qu'on voulait éviter de sortir avec, c'était parce qu'on voulait savoir le PMS c'était quand, puis on était plus gentils avec eux autres cette semaine-là. En tout cas, moi, je dis que Vidéoville est en show vendredi au Barfly. On est dans le Montréal Kitsch, en plus. Tu vois, toute la boucle est bouclée. Et voilà. Marie-Ève Girard, s'il te plaît, parle-moi du spectacle que vous êtes en train de monter, là. Nous sommes en train de monter Moulin Rouge. Alors, ça va se faire le 16 et 17 mai au Théâtre Plaza, n'est-ce pas? Oui. Isabelle confirme. Okay, c'est donc vrai. Oui. Les billets sont en vente sur Ticket Pro, donc dépêchez-vous, il nous en reste plus beaucoup. C'est ça, on est c'est comme ta... victime de notre succès. Ah ben, ah ouais. Ils vont, on annonce donc des supplémentaires en primeur? Ben je sais pas, non. Pas de suite, On va voir, là, dans le fond, le spectacle est quoi, dans 2 semaines et demie, là? Donc, dans 1 semaine, on va plus savoir où qu'on s'en tient. Là. Donc, pour se tenir au courant, c'est 16-17 mai. On va voir, vous avez un site Internet. Oui, www.troupecrèmebrûlée.com. Mais voilà. Puis tantôt, vous aviez soulevé un grand paradoxe, puis j'aimerais ça d'en parler. Parce qu'il y a des fois dans la vie des choses qui s'appellent une affaire, puis qui en sont une autre, comme du rouge à lèvres crème brûlée, disons. Ouais, ça, c'est assez drôle. Mais dans le fond, c'était comment qu'on a décidé de s'appeler, moi, Isabelle. Ça s'est fait sur un coup de tête, là. Oui, parce qu'on a décidé de partir de la troupe un soir. On était là à la pharmacie, puis on cherchait un nom. Puis là, on regardait les noms de rouge à lèvres. On disait, ben, troupe crème brûlée. Ça sonne bien, t'sais. Ça sonne bien. Tu sais, au début, c'était Starlight, mais là, on trouvait ça trop anglophone. On s'est dit, OK, on veut percer à Broadway, mais tu sais, on va avoir des limites. Quand même. Faut qu'on ait un nom francophone. Faut percer pour à pogner, choc en premier. C'est ça, exactement. C'est ça. On va partir en. C'est mieux ça. Fait qu'on s'est dit, crème brûlée. Why not? Ça, en anglais, ça sonne bien. C'est ça, en anglais, c'est true crème brûlée, pareil. Voilà, c'est son charme. Ça a son charme, tu sais. Broadway, c'est là. Et voilà, on chez moi, c'est crème brûlée. Puis après, on s'est dit que. C'est international, c'est ce nom-là. Exactement. Après, on s'est dit que, tu sais, crème brûlée, tu sais, c'est comme. Après, avec analyse de notre. Tu sais, quand même, on est intelligente, on s'est dit, ben, on va essayer de trouver pourquoi, tu sais, crème brûlée. On s'est dit, dans le fond, quand une crème brûlée, tu fais toc, toc, toc, puis quand, tu sais, comme tu manges, c'est comme délicieux et surprenant en dessous, parce que c'est pas du tout la même texture que celui de dessus, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut venir nous voir, tu sais. Plein de surprises. Parce que vous avez réussi à trouver une raison à votre nom après c'est avoir ça. Trouvé votre nom. C'est ça. On est spécial de même. J'adore créatif, c'est pour ça. Donc, on est-tu rendu au moment de l'émission où vous nous faites un indicatif? Ah, ben, ouais. OK, Isabelle, vas-y, parle-moi ça. À tout le monde, la gang, là. Let's go! Alors, ici Martin Richard, Marie-Ève Girard, Isabelle Dessèvre, Pierre Beaumard. Et vous êtes à 70% la meilleure émission de Choc FM. Oh, l'alternative! Avec la plaque pour le prouver. Hey, ben, merci beaucoup. Ça a été très sympathique de vous avoir. Ben oui, bravo à Martin. 16-17, là, on n'aura pas d'émission d'ici là. On pourra pas vous reploguer. Mais on va reploguer le site www.troupecrèmebrûlée. Exactement. Et voilà, les gens vont aller surfer là-dessus. En attendant, Bruno, tu vas nous faire une compilation pour les 3 semaines qui s'en viennent, hein? Ben ouais, je vais continuer à regarder ça, puis je vais vous sortir les 5 meilleures nouvelles qu'ils ont eues. Mais on va être rendu à 1h30, là. Moi, 1h30, la prochaine saison, donc je vais peut-être amener 7 nouvelles. Est-ce que ça va s'appeler 105%? J'espère que non. J'espère que non, moi non plus. J'en voyais un se forcer trop, ça va faire mal. Hey, je vais finir mon petit texte sur le film d'aujourd'hui. Never Say Die, version française, droit de tuer. Déjà, ça fait mal. Sans blague, quoique je ne fie que tendre vers l'objectivité dans mon paragraphe précédent, Droit de tuer fait partie de ces classiques de première génération. Fabriqué, distribué et traduit en 1994-95, il est de ces films avec l'homme hologramme, Sale Commando, Digital Man, Prototype X, Trait d'Union Y-29, American Cyborg et Femme Terminator, pour ne nommer que ceux-là. Il est de la série des films que l'on a loués dès la révélation causée par Roboflick 1 et 2. Je n'avais même pas besoin de le réécouter pour vous en parler. Il va y avoir des longueurs, mais la note reste bel et bien moins 8. Il y a des bouts de Billy Drago fades et dégoûtants en gros plan. Pour certains, cela rapproche du zéro. Pour nous, à douteux.org, le jeu de Billy Drago me fait penser à Patrice Brisebois dans ses bonnes années. C'est d'ailleurs l'acteur qui va vous rester après le film de ce soir. La semaine passée, on a découvert Jim Gaines. Cette semaine, c'est dans les roulis pathétiques de la plus solide performance du personnage de Billy Drago que l'on va mijoter. Il est, disons, unique, Billy Drago. Grand, maigre et monocorde, on dirait que sa tête est le contraire de celle d'un bobblehead. Toujours lourde, tout le temps triste. Dans Droit de tuer, le personnage de Billy Drago tient le rôle de la triforce de puissance, un être corrompu par son égoïsme, maître d'une secte croyant avoir droit de vie ou de mort sur ses sujets. Plusieurs monologues lassants plus tard, il devient le pilier central de ce film qui reste, tel le goût du camembert auquel on doit s'habituer, mais qui reste en mémoire, noté moins 8. Frank Zagarino, duquel c'était le lundi en son honneur, tient le rôle de la triforce du courage, parce qu'il va braver l'adversité. le lieutenant de police chose en tant que représentant de l'ordre. Oui. Va tenir le rôle de la Triforce de la Sagesse, acceptant de s'être trompé à propos du héros ou quelque part aux trois quarts du film. En somme, droit de tuer, c'est moins 8 à cause de Billy Drago, à cause du triple dans l'église du jamais égalé, et grâce à la phrase suivante que l'on a entendue précédemment, seul un aigle rouge est capable de tuer un aigle rouge. Pas vrai, Blake? Ergo, un aigle rouge contre un ninja dans une arène de combat, ben ça durerait pour toujours. On va écouter Marcia Bella, c'est la reprise des Belvédères. Vous avez écouté 70%. Je sais pas pourquoi vous devriez avoir autre chose à faire. Salut! Je vais faire n'importe quoi. Poirier qui fait danser jusqu'à 3h du matin. Par ici la sortie 2009, c'est la seule vraie façon de bien finir l'année. Alors viens au Métropolis le 30 avril danser sur la musique d'Orange Orange, Mister Valère et Ghislain Poirier. Par ici la sortie 2009, c'est savoir sortir par la grande porte. Billets en vente sur le réseau Ticket Pro, information lasortie.ca.